Deuxième livre des Chroniques, chapitre 6. Alors Salomon dit, l'Éternel a dit, qu'il habiterait dans l'obscurité. Or je t'ai bâti, ô Éternel, une maison pour ta demeure, et un domicile fixe, afin que tu y habites éternellement. Et le roi tourna sa face, et bénit toute l'assemblée d'Israël, car toute l'assemblée d'Israël se tenait là debout. Et il dit, béni soit l'Éternel le Dieu d'Israël, qui de sa bouche a parlé à David mon père, et qui aussi l'a accompli par sa puissance, en disant, depuis le jour que je tirai mon peuple hors du pays d'Égypte, je n'ai choisi aucune ville d'entre toutes les tribus d'Israël, pour y bâtir une maison, afin que mon nom y fût, et je n'ai choisi aucun homme pour conducteur de mon peuple d'Israël, mais j'ai choisi Jérusalem. Afin que mon nom y soit, et j'ai choisi David afin qu'il gouverne mon peuple d'Israël. Or David mon père désirait de bâtir une maison au nom de l'Éternel le Dieu d'Israël, mais l'Éternel dit à David mon père, quant à ce que tu désires de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette pensée. Néanmoins tu ne bâtiras point cette maison, mais ton fils, qui sortira de tes reins, sera celui qui bâtira cette maison à mon nom. L'Éternel donc a accompli sa parole, qu'il avait prononcée, j'ai succédé à David mon père, je me suis assis sur le trône d'Israël, selon que l'Éternel en a parlé, j'ai bâti cette maison au nom de l'Éternel le Dieu d'Israël, et j'y ai mis l'arche, dans laquelle est l'alliance de l'Éternel, qu'il a traité avec les enfants d'Israël. Puis il se tint debout devant l'autel de l'Éternel, en la présence de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. Car Salomon avait fait un haut d'airain, long de 5 coudées, large de 5 coudées, et haut de 3 coudées, et l'avait mis au milieu du grand parvis, puis il monta dessus, et ayant fléchi les genoux à la vue de toute l'assemblée d'Israël, et étendu ses mains vers les cieux, il dit, ô éternel Dieu d'Israël. Il n'y a ni dans les cieux, ni sur la terre, de Dieu semblable à toi, qui garde l'alliance et la gratuité à tes serviteurs, lesquels marchent devant toi de tout leur cœur, qui a tenu à ton serviteur, David mon père, ce dont tu lui avais parlé. Et en effet, ce dont tu lui avais parlé de ta bouche, tu l'as accompli de ta main, comme il paraît aujourd'hui. Maintenant donc, ô éternel Dieu d'Israël, tiens à ton serviteur David, mon père ce que tu lui as dit, il ne te sera jamais retranché de devant ma face de successeur pour être assis sur le trône d'Israël, pourvu seulement que tes fils prennent garde à leur voie, afin de marcher dans ma loi, comme tu as marché devant ma face. Et maintenant, ô éternel Dieu d'Israël, que ta parole, laquelle tu as prononcée à David, ton serviteur soit ratifiée. Mais Dieu habiterait-il effectivement sur la terre avec les hommes? Voilà, les cieux, même les cieux des cieux, ne peuvent point te contenir, et combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, ô éternel mon Dieu, égare à la prière de ton serviteur, et à sa supplication, pour ouïr le cri et la prière que ton serviteur te présente. C'est que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, qui est le lieu dans lequel tu as promis de mettre ton nom, en exaucant la prière que ton serviteur te fait en ce lieu-ci. Exauce donc les supplications de ton serviteur, et de ton peuple d'Israël, quand ils te feront des prières en ce lieu-ci, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, exauce et pardonne. Si quelqu'un pèche contre son prochain, et qu'on lui en défère le serment, pour le faire jurer avec exécration, et que le serment soit fait devant ton autel en cette maison, exauce-les, des cieux, et exécute ce que portera l'exécration du serment, et juge tes serviteurs, en donnant au méchant sa récompense, et lui rendant selon ce qu'il aura fait, et en justifiant le juste, lui rendant selon sa justice. Si ton peuple d'Israël est battu par l'ennemi à cause, qu'ils auront péché contre toi, et qu'ensuite ils se retournent vers toi, en invoquant ton nom, et en te présentant des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les, des cieux, et pardonne le péché de ton peuple d'Israël, et ramène-les dans la terre que tu as donnée à leur père. Quand les cieux seront fermés, et qu'il n'y aura point de pluie, à cause que ceux d'Israël auront péché contre toi, s'ils te prient dans ce lieu-ci, et qu'ils réclament ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras affligés, exauce-les, des cieux, et pardonne le péché de tes serviteurs, et de ton peuple d'Israël. Lorsque tu leur auras enseigné le bon chemin, par lequel ils doivent marcher, et envoie la pluie sur la terre que tu as donnée à ton peuple en héritage. Quand il y aura dans le pays ou famine, ou mortalité, ou brûlure, ou niel, ou sauterelle, ou vermisseau, et quand leurs ennemis les assiégeront jusque dans leur propre pays, ou qu'il y aura quelque plaie, ou quelque maladie, quiconque de tout ton peuple d'Israël, te fera des prières et des supplications, selon qu'ils auront reconnu chacun sa plaie et sa douleur, et que chacun aura étendu ses mains vers cette maison, alors exauce-les. Des cieux, du domicile arrêté de ta demeure, et pardonne, et rends à chacun selon toutes ses œuvres, parce que tu auras connu son cœur, car tu connais, toi seul, le cœur des hommes, afin qu'ils te craignent, pour marcher dans tes voies durant, tout le temps qu'ils vivront sur la terre que tu as donnée à nos pères. Et lors même que l'étranger, qui ne sera pas de ton peuple d'Israël, sera venu d'un pays éloigné, à cause de ton nom qui est grand, et à cause de ta main forte, et de ton bras étendu, lors, dis-je, qu'il sera venu, et qu'il te fera requête dans cette maison, exauce-le, des cieux, du domicile arrêté de ta demeure, et accorde à cet étranger sa demande, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, et qu'ils te craignent, comme ton peuple d'Israël te craint, et qu'ils connaissent que ton nom est invoqué dans cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sera sorti en guerre contre ses ennemis, par le chemin par lequel tu les auras envoyés, s'ils te font leur prière, en regardant vers cette ville que tu as choisie, et vers cette maison que j'ai bâtie à ton nom, alors exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et maintiens leurs droits. Quand ils auront péché contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, et qu'étant irrité contre eux, tu les auras livrés à leurs ennemis, et que ceux qui les auront pris les auront emmenés captifs en quelque pays, soit loin, soit près, et que dans le pays auquel ils auront été menés captifs, ils seront revenus, à eux-mêmes, et que se repentant ils te supplient au pays de leur captivité. En disant, nous avons péché, nous avons fait iniquité, et nous avons agi criminellement. Quand donc ils se seront tournés vers toi de tout leur cœur, et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité, où on les aura menés captifs, et qu'ils t'auront offert leurs supplications, en regardant vers leur pays que tu as donné à leur père, et vers cette ville que tu as choisie, et vers cette maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du domicile arrêté de ta demeure, leurs prières et leurs supplications. Et maintiens leurs droits, et pardonne à ton peuple qui aura péché contre toi. Maintenant, ô mon Dieu, je te prie que tes yeux soient ouverts, et que tes oreilles soient attentives à la prière qu'on te fera en ce lieu-ci. Maintenant donc, ô éternel Dieu, lève-toi, pour entrer en ton repos, toi et l'arche de ta force. Éternel Dieu, que tes sacrificateurs soient revêtus de salut, et que tes bien-aimés se réjouissent du bien que tu leur auras fait. Ô éternel Dieu, ne fais point tourner en arrière la face de ton loin, et souviens-toi des gratuités, dont tu as usé envers David ton serviteur.